for myself, that have mercy, Lord. Father, anoint and speak through me in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. 10 reasons why people do not use their talent. 10 raisons pour lesquelles les gens n'utilisent pas la dîme. Hallelujah. Do not use their talent. 10 raisons pour lesquelles les gens n'utilisent pas leur talent. Hallelujah. Amen. Matthew 25. Matthieu 25. Matthew 25. Matthieu 25. Where are your books? Chapter 15. Chapter 15. Chapitre 15. Hallelujah. Chapter 15. Chapitre 15. Verse 14. Verset 14. For the kingdom of heaven is like a man traveling into a far country who called his own servant and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability. And straight away he took a journey. And then he that had received 5 talents went and traded with the 5, with the same, and made them another 5. And likewise he that had 2, he also gained another 2. But he that had received 1 went deep in the earth and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of all the servant cometh and reckon with them. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Matthieu 25, à partir du chapitre 14, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne. » Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Hallelujah. Amen. Are you with me? You can see a story that talks about everyone receiving a talent. Vous pouvez voir l'histoire qui parle de chacun recevant un talent. Amen. Amen. As you are sitting here. Alors que tu es assis ici. You have a talent. Tu as un talent. Amen. Amen. Yeah, if you are here, you have a talent. Si tu es ici, tu as un talent. What's your talent? Quel est ton talent? Is it 5? Est-ce que c'est 5? Is it 2? Est-ce que c'est 2? Is it 1? Est-ce que c'est 1? Is it 10? Est-ce que c'est 10? Is it 3? Est-ce que c'est 3? Hallelujah. Amen. So the story is telling us that we all have a talent. Donc l'histoire nous dit que nous avons tous des talents. Some have a lot. Certains en ont beaucoup. Others don't have a lot. D'autres n'en ont pas beaucoup. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And so God, when you look at the story, it tells God expects that to use the talent. Donc quand on voit l'histoire, on voit que Dieu s'attend à ce que nous puissions utiliser ce talent. Amen. Amen. And we can understand there's a principle there that as you use, you get more talent. Et nous pouvons voir un principe dans cette histoire que alors que tu utilises le talent, tu en gagnes beaucoup d'autres. Hallelujah. Amen. The one who used the five talents got another five. Celui qui a utilisé les cinq talents a gagné cinq autres. And the one who had two talents used it and got another two talents. Et celui qui avait les deux talents les a utilisés et en a gagné deux autres. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec and moi? The one et le, celui qui a reçu un is also a principle. C'est aussi un principe. That if you don't use the one that you have, si tu n'utilises pas celui que tu as, le un que tu as, even the one that you have will be taken away from you. Même le un que tu as sera retiré de toi. Hallelujah. Amen. So we are all expected to use the talent that God has given us. Nous sommes tous censés utiliser le talent que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Look at your neighbor. Ask your neighbor, what's your talent? Regarde ton voisin et demande-lui quel est ton talent. Hallelujah. Amen. We all have talent, oh. Nous avons tous des talents. Talent, you have a talent. Tu as un talent. Amen. Amen. You have a talent. Tu as un talent. You have a talent. Tu as un talent. But people don't use their talent because of certain reasons. Mais les gens n'utilisent pas leur talent à cause de certaines raisons. Amen. Amen. And you can see verse 25. Et vous pouvez voir au verset 25. We talked about. It said, "I was afraid, and I went and hid my talent." Ça dit, j'ai pris peur et je suis allé cacher mon talent. Hallelujah. Why people hide their talent? Pourquoi est-ce que les gens cachent leur talent? Amen. Amen. I was afraid and I went to hide my talent. J'avais peur et je suis allé cacher mon talent. Many people don't use their talent because they are afraid. Beaucoup de personnes n'utilisent pas leur talent parce qu'ils ont peur. You don't use your talent because you are afraid. Tu n'utilises pas ton talent parce que tu as peur. Maybe you are afraid. Peut-être tu as peur. Hallelujah. Amen. You are afraid. Tu as peur. You are afraid. Tu as peur. Yeah, maybe you know how to play. Peut-être tu sais comment jouer. Or you can play. Ou alors tu peux jouer. You have a desire to play. Tu as un désir de jouer. There's a talent there. Il y a un talent là. Hallelujah. Amen. And God wants you to go and develop it. Et Dieu veut que tu ailles le développer. But you are afraid that if you go and play. Mais tu as peur que si tu vas jouer. You can't play well and people will laugh at you. Tu ne pourras bien jouer. Tu ne pourras pas bien jouer. Les gens vont se moquer de toi. Hallelujah. Amen. Yeah. The inability. L'incapacité. Of using the talent, d'utiliser le talent, success, ou le succès, or what you're expecting out of the talent, ou ce que tu attends du talent, you think that you won't get it. Tu as l'impression que tu ne vas pas l'avoir, and so you are afraid. Et donc tu as peur. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Like those who sing, comme ceux qui chantent. Oh, I can't sing. On va leur dire, va chanter. Ils vont dire, oh, je ne peux I pas don't chanter. I have a good voice. Je n'ai pas une bonne voix. Who has said that before? Qui a dit ça auparavant? I don't have a good voice. Yeah. Oui. Why? Why? Because pourquoi? You're afraid that, you know, parce que tu as peur que, you know, que tu as peur. Who is this? Hey, ça c'est qui? Hallelujah. Amen. So fear. Donc la peur. Fear will keep you from using your talent. La peur va t'empêcher d'utiliser ton talent. Hallelujah. Amen. Fear. La peur. Fear. La peur. Hallelujah. Amen. Maybe you can be a good husband to Brunel. Peut-être tu peux être un bon mari à Brunel. Instead of going to say, I want to marry you. Au lieu d'aller dire, je veux t'épouser. You are afraid. Tu as peur. That when you say it. Que quand tu vas le dire. She will say no. Elle va dire non. And she will go and discuss with her friends. Et elle va aller en discuter avec ses amis. And when they see you. Et quand elles te verront. They will look you with one eye. Elles vont te regarder avec un œil. And they'll begin to laugh. Et elles vont commencer à rire. So you are thinking about that, so you are afraid to go and say. Donc tu penses à ça, donc tu as peur d'aller parler. Hallelujah. Amen. Yeah, but we are talking about talent. Mais nous parlons de talent. You see, the mind that it will not work. La pensée que ça ne va pas marcher. The mind that I can't use it well. La pensée que je ne peux pas bien utiliser cela. The mind that I don't know how to use it. La pensée de je ne sais pas comment utiliser cela. Gives you some fear. Ça te donne une certaine peur. And so you hide it. Donc tu caches le talent. You hide the talent. Tu caches le talent. Hallelujah. Amen. Fear. La peur. Is demonic. Est démoniaque. Yeah. The devil uses fear to keep us out of our blessing. Le diable utilise la peur pour nous empêcher de recevoir nos bénédictions. Yeah. Yeah. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Yeah. Oui. Yeah. I remember like yesterday. Je me souviens comme d'hier. Yeah. Bishop Sakis' wife, the first wife. la première femme du bishop Sakai. Yeah. Say, yeah, you can do it. Elle a dit, oh, tu She peux le faire. She told me 2004. En 2004. You can do it. Tu peux le faire. You can do it. I remember Colégono. Je me souviens à Colégono. Pastor Sam, Pastor Sam. Elle me disait, Pastor Sam, Pastor Sam. Yeah. When I was a shepherd, simple shepherd. Quand j'étais un simple berger. C'est Pastor Sam. Elle me disait, Pastor Sam. Please. S'il te plaît. Je disais, s'il te plaît, je ne dis pas pasteur. 2004. En 2004. 2004. 2004. So she died in 2007. Jusqu'à ce qu'elle est morte en 2007. 2008. En 2008. And 2009. Et 2009. November. Novembre. Then I came here. Et je suis venu. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? No, what I'm trying to say that fear, I was afraid. Ce que je sais de dire, c'est que j'avais peur. And usually, when is the new thing? Et habituellement, quand c'est une nouvelle chose, you haven't tried before, que tu n'as jamais essayé auparavant, you'll be afraid. Tu auras peur. You'll be like, what happened? What happened? Tu seras comme, oh, qu'est-ce qui va se passer? Hallelujah. Amen. But we are learning now that we should not allow fear. Mais nous apprenons que nous ne devons pas permettre à la Because peur. Because there's a blessing. Parce qu'il y a une bénédiction. Yeah. Are we not blessed here in Abilengbe? Ne sommes-nous pas bénis ici à Abilengbe? Are we not happy here? Ne sommes-nous pas contents ici? Yeah. Yeah, blessed. Nous sommes bénis. So if I allowed fear to stay, donc si j'avais permis à la peur de rester et de, me prévenir. A lot of people. Beaucoup de personnes. A lot of people. Beaucoup de personnes. A lot of people will beaucoup not be de personnes ne seraient pas. A lot of people will not be blessed. Beaucoup de personnes ne seraient pas bénies. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Sometimes when I think about it, I see some people, I see some of you. Parfois quand je vois certains d'entre vous. Then I remember the first time you came. Et je me souviens de la première fois que vous êtes venu. And when I see your life now. Et quand je vois votre vie maintenant. Sometimes I want to cry. Parfois j'ai envie de pleurer. So God has done something. Je dis, Dieu a fait quelque chose. God has done something. Dieu a fait quelque chose. You know something? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Yeah, God has done something. Dieu a fait quelque chose. Hallelujah. Amen. So do not allow fear. Donc ne garde pas la peur. Do not allow fear. Ne permet pas à la to peur. To prevent you from using your talent. Ne permet pas la peur de t'empêcher d'utiliser ton talent. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. Don't allow fear. You can do it. You can do it. Tu peux le faire. You can do it. Tu peux le faire. You can do it. Tu peux le faire. No fear. N'aie pas peur. Yeah. When you do, when you take the first step. Quand tu prends le premier pas. Second step. Le deuxième pas. See that, ah, but this thing, you can do it. Tu vas voir que, oh, cette chose, je peux le faire. Oh? Yeah. When you sing once. Quand tu chantes une and fois. And twice. Et une deuxième fois. But this thing, cry, but it's small. Tu vas dire que, oh, chanter, c'est petit. It's not a big thing. C'est pas une grande chose. Oh? Ou bien. Yeah. Some of you like, oh, Basel, I can't do Basel. Certains d'entre vous, la cellule, oh, je ne peux pas faire la cellule. Vous avez peur. Vous avez peur. You see, the francophones, they'll ask you questions. Vous voyez, les francophones, ils vont vous poser des questions. As you are doing the Basel, they'll ask you questions. Alors que tu fais la cellule, ils vont te poser des questions. But you, because you now, you've been asking questions. Parce que toi-même, tu poses des questions. So, when is your turn to be a Basel leader? I say, ah, this donc, quand c'est ton tour d'être un leader de cellule. You remember your questions, so you tu know te that souviens de tes questions. It will be easy for you. Donc tu sais que ce ne sera pas facile pour toi. Hallelujah. Amen. But you can do it. Mais tu peux le faire. Yeah. You try it once, twice, you see that it can work. Essaye une fois, deux fois, tu vas voir que ça peut aller. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Don't allow fear. Ne permets pas à la peur. Yeah. Don't allow fear. Ne permets pas It's à la possible. Peur. C'est possible. Yeah. So fear prevents us. Donc la peur nous empêche. It's one of the reasons. C'est l'une des raisons. That why people hide. Their talent. Où les personnes cachent leurs talents. Amen. Amen. Yeah, and you see that they give us examples. Je vois qu'ils nous donnent des exemples. Like if you take a pastor. Alors, si tu prends un pasteur. Pastor afraid to start a church. Afraid to pray for people. You know, afraid to do things. Tu avais peur de commencer une église. Yeah, peur de prier pour les gens. Peur de faire des choses. But at your level, what are the things that, what are the fears that you have? Mais à ton niveau, quelles sont les peurs que tu you as? You are not a pastor. Tu n'es pas un You're pasteur. Just a simple member. Tu es juste un membre. Afraid to come to church. Tu as peur de venir à l'église. You're afraid to do what? Tu as peur de faire quoi? You're afraid to sing. You're afraid to learn how to play. Tu as peur de chanter. You're tu as peur de apprendre comment jouer. Tu as peur de danser. They say, oh, Ash, come and dance. On dit, oh, Ash, viens danser. You're afraid. Tu as peur. You. Hallelujah. Amen. Don't allow fear. You ne permets pas la peur. Succeed. Tu peux réussir. Do you understand? Yes. Vous comprenez? And it's not only spiritual things. In your life. Ce n'est pas seulement les choses spirituelles, mais dans ta vie. In your school. Dans tes études. At work. Au travail. Everywhere. Anything, partout, you can do it. Toute chose, tu peux le just faire. Just try it. Essaye juste. Don't allow fear. Ne permets pas à la to peur. Keep you. De ton, de te, hallelujah. De ton, de is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? Yeah. Hallelujah. Amen. The second thing that prevents us from using our talent or hiding, that makes us hide our talent is what? La deuxième chose qui nous empêche d'utiliser nos talents, c'est quoi? Your gifts. C'est, okay? C'est cacher ton don. Hiding your gifts. Cacher ton don. Yeah. Fear helps you to hide. Okay, so it's the same thing. That's like the first one. Hallelujah. The next one is fighting faults. A fighting fault attitude. C'est une attitude qui trouve des fautes. Hallelujah. Amen. Yeah. That's one of the major reasons. C'est l'une des raisons principales. Yeah, because as you are sitting there, parce que alors que tu es assis là-bas, you are finding fault with her translation. Tu trouves des fautes avec sa traduction. Didn't you? Ou bien? Yeah, you find fault. Tu trouves des fautes. So if I say, go and sit down, you come. Donc si je dis, va t'asseoir, toi viens. You know, you don't come. You don't tu vas voir que tu ne vas pas venir. You don't come. Tu ne vas pas venir. Because you find fault. Parce que tu trouves des fautes. Yeah, you find fault. Tu trouves des fautes. So it's a bad attitude. Donc c'est une mauvaise attitude. To sit down there and then criticize the person who is doing the work. De s'asseoir là-bas et de critiquer la personne qui fait le travail. And find fault with the people who's playing that thing. You are finding fault. Et trouver les fautes à la personne qui joue au piano. They are singing, you are finding fault. Ils chantent et tu trouves des fautes. They are preaching, you are finding fault. Ils prêchent et tu trouves des fautes. Yeah. It's bad. C'est mauvais. It's bad. C'est mauvais. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? When you get to the job. Quand tu vas arriver au travail. You see that it's not as easy. Tu vas voir que c'est pas aussi facile. Then you appreciate the person who is doing it. Et tu vas apprécier la personne qui faisait ça. And you tolerate the fault. Et tu vas tolérer les fautes. Hallelujah. Amen. Yeah. When you haven't been there. Quand tu n'as pas encore été là-bas. You think that oh this thing the person is not doing well. Tu vas voir que oh cette chose la personne ne s'en sort pas. But when you get there. Mais quand tu arrives là-bas. That's when you see that ah. C'est là que tu vas voir que ah. À ce moment. Entre-temps. Asomwa is not easy. Entre-temps, c'est pas facile. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. Matthew chapter 25 verse 24. Matthieu 24 verset 25. 25, 24. Matthieu 25. Hallelujah. Matthew 25 verse 20, verse 24. It's in the book. Okay, it's in the book. Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Matthieu 25, 24. Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Hallelujah. Amen. Yeah. You see, you are a hard man. I know you. Your fault is that you are hard. Je te connais. Ta faute, c'est que tu es dur. You are hard. Tu es dur. You reap where you haven't sowed. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Have you seen the thing? Est-ce que vous avez vu la chose? Yeah, and because of that, it's okay. Because you are hard. I will not use it. Et il dit, parce que tu es dur, je ne vais pas l'utiliser. Hallelujah. Amen. So finding faults. Donc trouver des fautes. Is bad. C'est mauvais. Yeah, it's bad. C'est mauvais. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. People even lose their chance to be saved because they find fault with Christians. Certains perdent leur chance d'être sauvés parce qu'ils trouvent des fautes aux chrétiens. Yeah. When you go, the kind of question that they ask. Quand tu y vas, les gens des questions qu'ils posent. Yeah, they will tell you, oh, Christians, they are more sinners, they are sinners. Ils vont te dire, les chrétiens sont plus pécheurs. So me, I won't give my life to Christ. Donc moi, je ne vais pas donner ma vie à Christ. Yeah. Do you understand? Because you find fault with this group of people. Parce que tu trouves des fautes à ce groupe de personnes. You wouldn't want to be part of the group. Tu ne veux pas être. Oh? Tu veux pas faire partie du groupe. Est-ce que vous comprenez? Because if you say these people, they have sinned. Donc si tu dis que ces personnes ont péché, et les gens t'appellent, viens nous rejoindre. You will not join. Tu ne vas pas joindre. That's why a lot of people don't give their life to Christ. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne donnent pas leur vie à Christ. Finding fault with Christians. Parce qu'ils trouvent des fautes aux chrétiens. But who said Christians don't have faults? Mais qui a dit que les chrétiens n'avaient pas de fautes? Hallelujah. Amen. Yeah, we are perfect, living an imperfect world. Nous sommes imparfaits et vivons dans un monde imparfait. Hallelujah. Amen. It's only in heaven that we have angels. There's no fault. C'est juste au ciel où il y a des anges. C'est pas ici. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. It's just like some ladies. C'est juste comme certaines filles. They will insult men. Ils vont insulter les hommes. They will talk about them. Ils vont parler d'eux. So that as you are coming to even propose. Et alors que tu viens même proposer, they will not accept your proposal. Elles ne vont pas accepter ta proposition. Is it true or not true? C'est vrai ou c'est yeah. faux? They will talk about you. Elles vont parler de men toi. Men are bad. Les hommes sont mauvais. Yeah. Men are bad. Les hommes sont mauvais. And you now, as you are coming, you are walking like this. Alors que toi tu viens, tu marches comme ça. When you propose, they won't accept. Quand tu as proposé, elles ne vont pas accepter. Because they don't know why you are walking like that. Parce qu'elles ne savent pas pourquoi est-ce que tu marches comme ça. Yeah. And they've even forgotten that they are also faulty. Et elles ont même oublié qu'elles ont aussi des défauts. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So when you find fault with a group, donc, quand tu trouves des fautes à un groupe like ou à une personne, do what the person is doing. Tu ne voudras pas faire ce que la personne you fait. Not like to be where the person is supposed tu ne voudras pas être où la personne est. And that will prevent you from using the talent that God has given you. Ça va t'empêcher d'utiliser le talent que Dieu t'a donné. Because all the people who use their talent, they have faults. Parce que tous ceux qui utilisent leur talent, ils ont des fautes. You understand what I'm saying? Yeah. Today I was listening to Bishop yesterday. He was telling about a story. Aujourd'hui, j'ai parlé de Bishop. J'écoutais Bishop au dépôt. Bishop was telling a story. J'écoutais Bishop qui disait une histoire. Hallelujah. Of a lady of a church. D'une fille. Who sings in the church? He sings like LP Grace. Qui chantait à l'église comme elle. He will sing before the pastor comes to preach. Elle va chanter avant que le pasteur ne vienne prêcher. Hallelujah. Mm-hmm. And so one day she was singing. Un jour, elle chantait. And then she made a mistake in the singing. Et elle a fait une erreur pendant qu'elle chantait. Hallelujah. Amen. So they're like the singing changed. Donc la chanson a changé. He said that a lot of people didn't see it. Et beaucoup de personnes n'ont pas remarqué cela. But the pastor saw that she has made a mistake. Mais le pasteur avait vu qu'elle avait fait une erreur. Hallelujah. Amen. So after church, they're like, ah, what happened today? You were singing and this thing happened. Donc après l'église, le pasteur a demandé qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu chantais et puis quelque chose a changé. Hallelujah. And he said yes. Elle a dit oui. When she was singing, quand elle chantait, she remembered. Elle s'est souvenue. Her sins. Ses péchés. So she felt a bit bad. Donc elle s'est sentie un peu mal. So she wanted to hide her talent. Donc elle voulait cacher son talent. It affected her talent. Ça a affecté son talent. Hallelujah. Amen. Yeah. So if you have that in mind, oh, I'm a sinner. Donc si tu as ça en pensée, oh, you will not use your talent. Tu ne vas pas utiliser ton talent. For God. Pour Dieu. Hallelujah. Amen. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You will not use it. Tu ne vas pas l'utiliser. So it's not a good attitude. Donc c'est pas une bonne attitude. It's very bad. C'est très mauvais. So let's not have that attitude. Donc n'ayons pas cette attitude. And God will use that greatly. Et Dieu va nous utiliser grandement. God will help us develop our talent. Dieu va nous aider à développer nos talents. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, you can be a very good shepherd. Tu peux être un très bon berger. Yeah, be a very good shepherd. Tu peux être un très bon berger. But because you find fault with the shepherds. Parce que tu trouves les fautes aux bergers. You are always insulting the shepherds. Tu es toujours en train d'insulter les bergers. Yeah. Some of you can be very good pastors. Certains d'entre vous pourraient être des très bons pasteurs. But you find fault with pastors. Mais vous trouvez des fautes aux pasteurs. You are always criticizing pastors. Tu es toujours en train de critiquer les pasteurs. Hallelujah. Amen. Yeah. So let's be careful. Donc faisons attention. Because one day. Parce qu'un jour. When you read the story. Quand tu lis l'histoire. Of the man that God gave one talent. De l'homme à qui Dieu a donné un talent. And he didn't use it. Il ne l'a pas utilisé. Bible says what they took the talent from him. La Bible dit qu'on l'a arraché le talent. And they cast him into outer darkness. Et on l'a jeté dans les ténèbres. Yeah. One day we'll account for it. Un jour nous allons rendre compte pour cela. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. The next reason. La raison suivante. Despising the type of gifts you have. Le mépris des types de dons que vous avez. Hallelujah. Amen. Yeah. Despising the the type of gift that you have. Mépriser le type de talent que vous avez. Yeah. We all don't have the same talent, though. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Your talent is different from my talent. Ton talent est différent du mien. Your talent is different from the other person's talent. Ton talent est différent de l'autre personne. Hallelujah. Amen. But human, as human that we, as we are. Mais en tant qu'être humain que nous sommes. We like to compare. Nous aimons nous comparer. And when somebody says, oh, you have 10, me I have 1, you have 10, me I have 2, you have 5, I have only 1. Oh, toi tu as 10, moi j'ai 2, toi tu as 5, moi j'ai 2, toi tu as 10, or moi j'ai que 3. Or maybe your talent is different. You have gold, me I have diamond, you have brass. Tu vas dire, oh, moi toi tu as l'or, toi tu as le diamant, moi j'ai l'or, toi tu as le bronze et... Or you are tall, me I'm short. Ou toi tu es grand, moi je suis petit. You are black, me I'm white. Tu es noir, moi je suis blanc. You see what I mean? Vous voyez ce que yeah, je veux or dire? You are in the choir, me I'm a dancer. Toi tu es à la chorale et moi je suis dans la danse. I can dance. Je ne peux pas chanter mais je peux danser. So because you can, you are not singing, you are looking at, oh maybe the dancer they are, when oh, you are dancing, so you are comparing your talent to another talent. On doit voir que les autres peuvent chanter so mais toi tu sais. So the type of talent that you have, the type of talent donc that you type have. Donc le type de talent que tu as. If you don't take care, you can despise it. Si tu ne fais pas attention, tu peux le mépriser. And so, because of that, you hide and you won't use it. Et à cause de cela, tu vas le cacher et tu vas pas l'utiliser. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. So, what is the type of talent that you have? Donc, quel est le type de talent que are tu as? Are you despising it? Est-ce que tu le méprises? Be careful. Fais attention. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, so the type of talent you have, because donc, we don't have the same talent. Donc le type de talent que tu as, car nous n'avons pas les mêmes talents. Talent. Nous n'avons pas les mêmes talents. Yeah. Because the guy said, he that had received the one talent, one. Parce qu'on a dit celui qui a reçu un talent. His type is one. Son type, un. It's one. C'est un. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. And the next reason, despising the smallness of your gift. La raison suivante, c'est mépriser la petitesse de votre don. Yeah. I've only one. Je n'ai qu'un seul. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Like, if you take the choir. Si tu prends, par exemple, la chorale. It's like, oh, you, for you, it's like you can never lead the choir to sing. Pour toi, c'est comme tu ne peux jamais diriger la chorale pour chanter. You can always back at the back, back to back. Tu ne peux que faire les chœurs. Hallelujah. Amen. And so you can say, oh, me, I can't be solo, donc, so I cannot. Donc tu peux dire que, oh, non, moi, je ne peux pas faire le solo, donc je ne peux Hallelujah. Pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah, moi? You can easily say that. Tu peux facilement le dire. Yeah. And I know some people, they always want to lead. Et c'est qu'il y a des gens qui veulent toujours diriger. So if you can be if you can put me as a leader, I will not use my talent. Donc si tu me mets que leader, je ne vais pas utiliser mon talent. There are people like that. Il y a des gens comme ça. Or? Ou bien? Or? Ou bien? Yeah. Yeah. There are some people, they are not in the choir, they are musicians. Il y a des gens, ils ne sont pas dans la chorale, ils sont musiciens. They are musicians. They can sing very well. Ils sont musiciens, ils peuvent chanter très bien. But when they came, there was already a leader. Mais quand ils sont venus, and il y avait déjà un leader. I will not make them a leader. So. Et ils savent que moi, je ne vais pas les faire, je vais pas les nommer leader. So they will leader. Not come. They will donc ils ne vont up. Pas venir, ils vont s'asseoir. Hallelujah. Amen. Yeah. Because you can, sometimes you can despise the other gift. Parce que tu peux mépriser l'autre don. Because you think that you are also there. Parce que tu penses que toi aussi tu es là. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So despising the gift. Donc mépriser the smallness le don, of the gift. La petitesse du don. Yeah, your gift is not small. Oh. Ton don n'est pas petit. Oh. It's very important. C'est très très important. Very important. Très important. Amen. Amen. And Bible said that God gave us according to the measure. La Bible dit que on nous a donné en fonction de notre capacité. Hallelujah. Amen. Accordingly. En fonction. En fonction. We are not the same. Nous ne sommes pas les so mêmes. God has given you as you can. Donc Dieu t'a donné aussi grand que tu peux supporter. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So don't despise it. Donc ne méprise pas cela. Amen. Amen. If it's one, don't despise si it. Si c'est un, ne if méprise two, pas. Don't despise si c'est deux, ne méprise pas. Hallelujah. Are you with me? Yeah. Yeah. And the other one is overestimating your abilities. Et l'autre raison, c'est la surestimation de vos capacités. Hallelujah. Amen. This one is to the leaders, those who are leading the the talent or the gift. Ça c'est pour les leaders, ceux qui dirigent les talents ou les dons. You estimate that's like the example I gave. C'est comme juste l'exemple que j'ai donné. Yeah, they put you in a choir. Ils te mettent dans la chorale. But somebody is the leader. Mais quelqu'un est le leader. And you say, oh, you can sing more than the person. Et tu peux voir que oh, toi tu peux chanter plus que la personne. And because of that, I say, ah, but these people, they are small people. Je peux te dire que ah, ces gens-là, c'est des petites personnes comme ça. Yeah, I mean, I don't come for the rehearsal. Moi, je vais pas venir à la répétition. Because when you come for the rehearsal, you ask for you are the professional. Parce que quand tu viens à la répétition, en ce qui te concerne, tu es le professionnel. When you sing, everybody's down. Quand tu chantes, tout le monde est par terre. Yeah. Yeah, you are, and you are not the leader. Et tu n'es pas le leader. Yeah. You can easily overestimate your gift. Tu peux facilement surestimer ton don. And you will hide it. Et tu vas le cacher. You will not use it. Tu vas pas l'utiliser. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. If you use, stay at home. Si tu veux pas l'utiliser, en tout cas reste à la maison. Ce qui me concerne, je veux pas faire attention à toi. Well, no, my, we'll use the small that we have. On va utiliser le peu que nous avons. And God will be blessing us. Et Dieu va nous bénir. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. If you don't take care, you can despise those who are leaders. Be careful. Si tu ne fais pas attention, tu peux mépriser ceux qui sont leaders. Faites attention. Zonal leaders. Leaders de zone. Les zonas. Les zones. Yeah. Les quoi? Les zonales. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. So if you lead, be careful. Donc, or si if tu diriges, you know fais attention. More than others, ou si tu connais la chose plus que les autres. If you know more than others, be careful. Si tu connais plus que les autres, you fais attention. Be the most humble person. Tu dois être la personne la plus humble. Yeah. Most humble. La personne la most plus humble. Humble. La plus humble. Hallelujah. Amen. Or else you'll not be blessed. Ou alors tu ne seras pas béni. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. Because verse 15. Verset 15. Okay, chapter 25. He said, unto the one he gave 5 talents, to another 2, and to another the 1, and to every man according to his several ability. Matthieu 25, Matthieu 25, verset 15. Et il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon ses nombreuses aptitudes. Et aussitôt prit son voyage. Hallelujah. Amen. Yeah, according to your ability, you can use more. So God has given you more. Tu peux utiliser plus, donc Dieu t'a donné plus. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Like when you see in the church, there are a lot of people that I give them, do this for me, do this for me. Because the person can do it. Comme dans l'église, par exemple, vous voyez qu'il y a certaines personnes, je dis, fais ceci, parce que la personne peut faire cela. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Do this, okay, do this one for me, okay. Go here for me, do this. But there's just people that, oh, they are just there, they are not doing anything. Je peux dire, fais ceci, fais cela pour moi, va là-bas, mais il y a des personnes aussi qui sont là, ils ne font rien. Alléluia. Mais. So, according to several abilities. Donc, en fonction de tes nombreuses capacités. Alléluia. Amen. If you have several abilities, don't boast. Si tu as plusieurs capacités, if ne te vante pas. If you have several abilities, don't be proud. Si tu as plusieurs capacités, ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Amen. Yeah, the Bible says that we should condescend. La Bible dit que nous devons condescend. Huh? You don't understand condescend. You should look at the other person more highly than you. Tu dois estimer l'autre plus élevé yeah. que toi. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. When you meet somebody, quand not tu that rencontres you are trying to be humble, but see the person as more higher than you are. Pas que and tu that, sais d'être humble, mais vois la personne plus élevée que tu es. And that will make you humble. Ça va te rendre humble. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. And you should see everybody be, I don't know. Some people cannot stay with people who don't have a lot of abilities. Certaines personnes ne peuvent pas rester avec d'autres qui n'ont pas plusieurs capacités. Hallelujah. You understand what I'm saying? Like maybe you are from a rich family. Peut-être toi tu viens d'une famille riche. And you meet somebody who is not from a rich family. Et tu rencontres quelqu'un qui n'est pas d'une famille cannot riche. Mingle. Certaines personnes ne peuvent pas se mélanger. Yeah, cannot mingle with people who don't have riches like as they have. Ils peuvent pas se mélanger avec ceux qui n'ont pas des richesses comme ils en ont. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. It's the same, the ability. God has given you talent, riches. la même chose, il t'a donné un talent, une richesse, c'est un talent. And you meet somebody that God has not given so much riches. Et tu rencontres quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné tant de richesses. So you overestimate yourself. Donc tu te surestimes. And so when the people, those people come around, oh, those people, leave them. Donc quand ces personnes viennent, tu dis, oh, ces personnes, you can't mingle with them. Tu ne peux pas te mélanger avec eux. You can't talk with them. Tu ne peux pas parler avec eux. Hallelujah. Amen. Do you understand something? Vous comprenez? Yeah. It's very, very dangerous. C'est très, très dangereux. You should be able to mingle with everybody. Tu dois être capable de te mélanger avec tout le monde. Your abilities or your talent is more than others. Même si ton talent est plus que ceux des autres. Amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Et toi avec moi. So in the church we are different. Donc dans l'église nous sommes différents. God has given talent to others more than others. Dieu a donné les talents, plus de talents à certains par rapport à d'autres. You understand what I'm saying? Vous comprenez? Yeah, more talent. Plus de talent. More riches than others. Plus de richesses qu'aux autres. More beauty than others. Plus de beauté qu'aux autres. Or, ou bien. Yeah, some boys see that, oh, they are beautiful. Certaines personnes, tu vas voir que. They don't look at you. They don't look at you. Certaines personnes. You make your face like you are coming, oh. Certaines personnes sont très belles, mais toi, quand tu viens, on va même pas te regarder. Hallelujah. Amen. Yeah. But in the church, God sees us the same. Mais à l'église, Dieu nous voit tous pareils. The same. Sommes tous pareils. Hallelujah. Amen. He's not looking at whether you are beautiful, whether you have riches, whether you are this. No, we are all the same. Il ne regarde pas si tu es beau ou si tu es riche ou si tu es ceci. Non, nous sommes tous pareils. The story of Lazarus and the rich man. L'histoire de Lazare et de l'homme riche. Yeah, you can easily with your riches. You find yourself in hell. Tu peux facilement te retrouver en enfer avec tes richesses. Yeah. And the poor man was in comfort. Et l'homme pauvre était dans un confort. In heaven. Au ciel. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So if you have more talent than somebody, donc si tu as plus de talent que quelqu'un, don't despise the person. Pas la personne. Hallelujah. Amen. The next reason, we have 10 reasons, we'll finish right now. La raison suivante, nous en avons 10. Laziness. La paresse. Hallelujah. Amen. Laziness. Verse 26. Matthew 25, verse 26. He said, his Lord answered and said unto him, thy wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sow not, and gather where I have not stored. Matthieu 25, verset 26. Son Seigneur lui répondit et lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne mentionne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Hallelujah. Amen. Yeah. Some people, the reason why they don't use their talent is because they are lazy. Certaines personnes n'utilisent pas leur talent car elles sont lazy. Paresseuses. Paresseuses. They sit down, they can't even lift up their hands. Elles s'assoient et ne peuvent même pas lever leurs mains. They will ask somebody to come and lift their hands. Ils vont demander à quelqu'un de venir lever leurs mains et mettre cela dans leur bouche. Before you eat, somebody has to lift up your hands. Take the food and put it in your mouth. Avant que tu ne manges, quelqu'un doit prendre ta main, prendre la nourriture et mettre ça dans ta bouche. Lazy. La paresse. You should never be lazy. Tu ne dois jamais être paresseux. If you are lazy, you live in poverty. Si tu es paresseux, tu vas vivre dans la pauvreté. Tu seras pauvre. Yeah. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Some people are poor because they are lazy. Certains sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. Not because there's a curse on their life. Parce qu'il y a une malédiction sur leur vie. Yeah. And the same thing when we have a talent. Et la même chose quand tu as un talent. You can't come and learn. Tu ne peux pas venir apprendre. You can't be sent. No, you don't want to be sent. Tu ne veux pas être envoyé. You don't want to receive instructions. Tu ne veux pas recevoir des instructions. You don't want to take responsibilities. Tu ne veux pas prendre des responsabilités. Yeah. Laziness. You la paresse. Sit down. You don't want to move your leg. Tu t'assois et tu ne veux pas bouger ta jambe. you can't move your body. Tu peux pas bouger ton corps. Some of you say my body becomes heavy. Certains d'entre vous vous dites mon corps devient lourd. I feel heavy. Je me sens lourd. That's laziness. Ça c'est la paresse. Like you can't get up and pray. Tu peux pas te lever et prier. You can't get up and read your Bible because you feel heavy. Tu peux pas te lever et lire ta Bible parce que tu te sens lourd. Oh. Ou bien, have I said something wrong? Est-ce que je dis quelque chose de mauvais? Even get up, go and dress and come to church. même à te lever pour t'habiller et venir à l'église. Laziness. La paresse. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? And you see the lazy people, if you want to identify them, one sign. Vous savez, les peuples, les identifier, il y a un signe. Just go and visit them. Va les visiter. You see them, they will sit in front of the TV. Tu vas voir qu'elles vont s'asseoir devant la télé. For 3 hours. Pendant 3 heures de temps. Even going to bath, but they can't bath. Même pour aller se laver, elles ne peuvent pas. Yeah, that's a lazy person. Ça, c'est une personne paresseuse. Yeah. You understand? Est-ce que vous comprenez? If you don't have a good cause, si tu n'as pas un bon cause. Si tu n'as pas un bon but, un bon objectif. A good cause for sitting down and watching TV. Pour t'asseoir et suivre la télé. Then you are a lazy person. Donc c'est que tu es une personne paresseuse. If you see somebody who's not lazy, is watching the TV for a reason. Si tu vois une personne qui n'est pas paresseuse, elle regarde la télé pour une raison. Yeah. If you see the person sitting down for 3 hours, then because of some proper, very serious reason. Et si tu vois une personne s'asseoir devant la télé pendant 3 heures sans avoir une raison propre? Yeah, you understand? Yeah. Then, so if you see somebody who just sitting there watching everything. Donc si tu vois une personne qui s'assoit là et regarde tout. Everything is watching. Everything is watching. Tout. Elle regarde tout. Elle regarde tout. He has not even prayed for 5 minutes. Il n'a même pas prié pour 5 minutes. You have not even read your Bible. Tu n'as même pas lu ta Bible. You have not even taken your book to learn. Tu n'as même pas pris tes cahiers pour étudier. Tu as un examen. You have to write exam and you are not learning. Dans un mois, tu dois écrire l'examen et tu n'écris pas et tu regardes la télé. There's something wrong. Il y a quelque chose de laziness. C'est la paresse. And it's the same thing. Et c'est la même chose. God has given you talent because of laziness. You don't use it. Dieu t'a donné un talent, mais à cause de la paresse, tu ne l'utilises pas. Alléluia. Amen. So be careful. Donc fais attention. Careful. Fais attention. Yeah. Lazy people can't sleep. Une personne paresseuse peut dormir. Sleep. Peut dormir. Yeah. They wake up. On se réveille. It's time to go to school. Okay, let me sleep small. C'est l'heure d'aller à l'école. Oh, laisse-moi dormir un peu. My daughter. Ma fille. We get up early in the morning. On se lève très tôt le matin. 5 heures. Nous bath. We are going to school. Va te laver. On va à l'école. Then we'll bath her. Then she will dress up. Donc on va la laver. Elle va s'habiller. Say, Daddy, I want to sleep small. Elle dit, papa, je veux dormir un peu. He said, okay, no problem. When you sit in the car, you can sleep. On dit non, pas de problème. Quand tu seras assise dans la voiture, tu peux dormir. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Sleep. It's not good. Dormir, c'est pas bon. Bon. Hallelujah. Amen. The next reason. La raison suivante. Not wanting to be cheated. Ne pas vouloir être trompé. Not wanting to be cheated. Ne pas vouloir être trompé. Yeah, it's a reason. C'est une raison. Yeah. Hallelujah. Amen. His Lord answered and said, verse 26, thou art wicked and slothful. Thou knewest that I reap where I sow not, and gathered where I had not stored. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Hallelujah. Amen. Yeah, that statement means that me, I should go and work with one talent, and I come and give you. Cette phrase dit que donc moi je dois aller travailler avec un talent et venir te donner. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? That's the reason. Ça c'est la raison. It's not one talent. You are wicked. You don't reap. You reap where you don't sow. Tu dis que ce n'est pas un talent. Toi tu es méchant. Tu vas moissonner où tu n'as pas semé. Is it me that I have to go and work and then you come and take? Et que c'est moi qui dois aller travailler et puis toi tu viens bénéficier de ça. So that's what he's trying to say. C'est ce qu'il essaie de dire. That you are wicked. Que tu es méchant. Me, you want me to go and work. Tu veux que j'aille travailler. And when you come, et quand tu viens, then you take it. Et tu vas prendre cela. I'll work, I'll just hide it. When you come, I'll give it to you. Je vais pas travailler, je vais juste cacher ça et quand tu vas venir, je vais te remettre. You got what I mean? So he doesn't want to be cheated. Donc il n'a pas envie d'être trompé. Yeah, he doesn't want to be cheated. Il n'a pas envie d'être trompé. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Yeah. And it happens in the church. It happens. Et ça se passe dans l'église. It happens. Et ça arrive dans l'église. Yeah, they don't want to do it because they think they are cheated. Oh, pastor is sending us to go and do this. It's his church. No, it's not my church. il ne veut pas faire des choses parce qu'il dit, pasteur nous envoie, aller faire ceci. C'est pas mon église, c'est son église. You don't want to be cheated. Je ne veux pas être trompé. Cheated, is it trompé? Yeah. Cheated. Triché. Yeah, cheated, yeah. Je ne veux pas être triché. Hallelujah. Are you with me? Amen. Yeah. So those who don't want to be cheated, they won't use it. Donc ceux qui ne veulent pas être trichés ne vont pas utiliser. They will keep it. Ils vont garder cela. Yeah. Hallelujah. The ninth reason, the wickedness. La neuvième raison, c'est la méchanceté. Yeah. Thou wicked and slothful. Méchant serviteur. Yeah. Because you are wicked. Parce que tu es méchant. You are wicked. Tu es méchant. You are wicked. Tu es méchant. You are wicked. Tu es méchant. Yeah, you are wicked. You don't want to use your talent. Tu ne veux pas. Yeah. You know how to sing. If you sing, can't you see that people will be blessed? Tu ne veux pas chanter, mais si tu viens chanter, tu ne verras pas que les gens sont bénis. Hallelujah. Amen. You know how to talk. Tu sais comment parler. Can't you go and win souls for God with your talking? Ne peux-tu pas aller gagner des âmes pour Dieu avec ta façon de parler? Tu es méchant. If you don't use it, you are wicked. Because somebody will be blessed and you are wicked. Si tu n'utilises pas cela, somebody will be saved and you are wicked because you are not using it. Quelqu'un sera sauvé, mais tu es méchant parce que tu n'utilises pas afin que quelqu'un soit sauvé. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? If you don't use your talent, si tu n'utilises pas ton talent, it means that a lot of people who are supposed to be saved because of your talent will not be saved. Ça signifie que beaucoup de personnes qui devaient être sauvées par ton talent ne seront sauvées. And that's the wickedness. Et ça, c'est la méchanceté. Is it true or not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Do you know that people come here because of you? Et que tu sais que les gens viennent ici à cause de toi. People come here because of specific people. Les gens viennent ici à cause des personnes particulières. Yeah. Specific. Spécifique. Specific. Sometimes you come and they, oh, I came to church. Okay, I want to, after church, I want to see this person. Parfois ils viennent et disent, oh, je suis venu à l'église et après l'église, j'ai envie de voir cette personne. Not because of just to say hello. Mais à cause de rien, mais juste pour dire bonjour. Hallelujah. Amen. The way you sang today. La façon dont tu as chanté aujourd'hui, j'ai été très béni. Oh? Ou bien? Have you heard that before? Entendu ça auparavant? Yeah. Or even when I preach, a lot of people, oh, yeah, I'm blessed, pastor, I'm blessed today. I'm même quand je prêche, les gens m'ont dit, oh, pastor, je suis béni aujourd'hui. Maintenant, pouvez-vous imaginer si je n'avais pas prêché? If I didn't preach, I'm very wicked because the people who are supposed to be blessed will not be blessed. Ça veut dire que si je ne prêche pas, c'est que je suis très méchant parce que les gens qui devaient être bénis ne seraient pas bénis. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So if you don't use your talent, it means that you are very wicked. Donc si tu n'utilises pas ton talent, ça veut dire que tu es très méchant. Très méchant. Très méchant. People are supposed to be saved by your talent and you didn't know. People are supposed to be blessed. Les gens étaient censés être bénis par ton talent et tu l'as pas utilisé. People are supposed to be delivered. Ils étaient censés être délivrés. You didn't do. You didn't use your talent. Tu n'as pas utilisé ton talent. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. And the last reason. Et la dernière raison. Is it last? The last. Alas, being spiritually unprofitable, worthless and useless. Être spirituellement non rentable, sans valeur et inutile. Hallelujah. Verse 28. Take therefore the talent from him and give it to him which have 10 talents. For unto everyone that he shall be given. And he shall have abundance. Hallelujah. But from him that had not shall be taken away even that which he had. Hallelujah. Amen. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Verset 28 à 30. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Hallelujah. Amen. I want to tell you today that everyone should try to be profitable spiritually. Je vais vous dire aujourd'hui que tout le monde doit essayer d'être rentable spirituellement. Hallelujah. Amen. Be profitable. Sois rentable. Be useful spiritually. Sois utile spirituellement. Don't just come to church. You are just there and come. Just go, come, go, come. Do something profitable. Ne viens pas juste à l'église. Tu viens et tu pars. Tu viens et tu pars. Fais quelque chose de rentable pour le royaume. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Yeah. Do something profitable. Fais quelque chose de rentable. Do something profitable. Fais quelque chose de rentable. Don't just come to church and go. Ne viens pas juste à l'église et rentrer. Alléluia. Are you with me? Êtes-vous avec moi? God has given us a lot of talent. Dieu nous a donné beaucoup de talents. Alléluia. Amen. We are here. God has given us talents here to be profitable. Dieu nous a donné des talents ici afin d'être rentable. He's not giving us talent to hide them. Il nous a pas donné des talents afin que nous les cachions. In our pockets. Ou les garder dans nos poches. Alléluia. To keep them in our houses. Garder dans nos maisons. He has given us talent to use it to profit the kingdom. Il nous a donné des talents pour l'utiliser au profit du royaume. You understand? Yeah. Profit the kingdom. Pour profiter au royaume. And we are all here to contribute. Et nous sommes tous là pour contribuer. Yeah. What you do, I will not do. Ce que tu fais, je ne vais and pas what le I faire. Will do, you will not do. Et ce que je vais faire, but je ne le ferai pas. Together, mais quand nous nous rassemblons, become profitable. Ça devient rentable. So if you have something that you are not using, donc si tu as quelque chose que tu n'utilises pas, you are not profitable. Tu n'es pas rentable. Not profitable. Tu n'es pas rentable. Alléluia. Amen. Can we be profitable for God? Pouvons-nous être rentables pour Dieu? Can we make money for God? Pouvons-nous faire l'argent pour Dieu? Yeah. Can we make profit for God? Pouvons-nous faire du profit pour Dieu? Profit, profit. Du profit. As you play profits, alors que tu joues le profit, the kingdom. Tu es rentable au royaume. As you sing, you are profiting the kingdom. Alors que tu chantes, tu es rentable as au royaume. You count the money, you are profiting the kingdom. Alors que tu comptes l'argent, as tu es rentable offering, au royaume. You are profiting the kingdom. Alors que tu reçois les offrandes, tu es usher, rentable you are au royaume. Profiting the kingdom. Alors que tu fais la hache, tu... alors que tu fais quelle que soit la chose, tu es rentable people, au royaume. You are profiting the kingdom. Alors que tu invites les gens, tu as es rentable au royaume. Alors que, alors que tu témoignes, tu as es rentable praying, au royaume. You are praying, you are alors que tu pries, tu es rentable au as royaume. You are dancing, alors que tu danses, you are the tu es rentable au royaume. Yeah. Alléluia. Amen. Are you with me? Et toi avec moi? Yeah. I want everybody to be a leader in the church. Tu veux que toute, chaque personne soit un leader dans l'église. You will be more profitable. Tu seras plus rentable. Alléluia. Amen. Yeah. When you are a leader here, quand tu es un leader ici, you are most likely to accomplish a part of the Great Commission. Tu as beaucoup de chances d'accomplir une partie de la Grande Commission. Alléluia. Yeah, you'll be part of those who accomplish the Great Commission. Tu vas faire partie de ceux qui accomplissent la Grande Commission. Amen. Amen. And if you humble yourself, et si tu t'humilies toi-même, God will use you greatly. Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Amen. So don't be afraid. Donc n'aie pas peur. Tell your neighbor, don't be afraid. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Don't despise the small gifts. Ne méprise pas le petit don. Yeah, don't despise. Ne méprise pas. Alléluia. Amen. Don't despise. Ne méprise pas. Don't despise. Ne méprise pas. Wow. Alléluia. Are you blessed? Êtes-vous béni? Please stand up and let's close. Levez-vous et terminons. Hallelujah. Please close your eyes and thank God. Fermez vos yeux et remerciez le Seigneur. Close your eyes and thank God for the gifts. Remerciez le Seigneur pour le don. And for the talents. Et pour le talent. That God has given you. Que Dieu t'a donné. Thank Him. Remercie-le. For that small talent. Pour ce petit talent. Small talent. Petit talent. Thank Him for that. Remercie-le pour and ça. And pray. Et prie. That God should help you. Que Dieu t'aide. Use the talent. À utiliser le talent. Train the talent. À utiliser le talent. For His kingdom. Pour son royaume. Pray that you'll be profitable. Prie que tu sois rentable. Spiritually. Spirituellement. You'll be useful. Tu seras utile. Spiritually. Spirituellement. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we bless you. We thank you for the talent that we have. The small. We will not despise the small talents. We will not overestimate the big talent. But Father, we use it to profit your kingdom. In the name of Jesus Christ. From today, Lord, everyone here will not be afraid to use our talent. In the name of Jesus Christ, I pray for a special grace and a special wisdom for us to use our talent. In the name of Jesus. Father, we bless you and thank you. Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Before we sit down, avant que nous nous asseyons, I want to close our eyes. Je veux que nous fermions nos yeux. If you are here, si tu es ici, and you don't know Jesus, tu ne connais pas Jésus, as your personal savior, comme ton sauveur personnel, tonight I want to give you the opportunity. Ce soir, je vais te donner l'opportunité. Bible says, less you are born again, la Bible dit qu'à moins que tu ne sois né de nouveau, you will not see the kingdom. Tu ne vas pas voir le royaume. Bible says that when you believe in your heart, la Bible dit que quand tu crois dans ton cœur, and you confess with your mouth, et tu confesses avec ta bouche, you receive salvation. Tu vas recevoir le salut. And tonight, I want to give you the opportunity. Et ce soir, je vais te donner l'opportunité. If you are here, you know in your heart, si tu es ici, tu connais dans ton cœur, that you don't have a personal relationship with God, que tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, you have not received Christ as your personal Savior. Tu n'as pas reçu Christ comme ton Sauveur personnel. You are the one I'm talking to. Tu es celui dont je parle. You are the one I'm talking to. Tu es celui dont je parle. And God is calling you. Et Dieu t'appelle. God wants to save you. Dieu veut te sauver. God wants to change your destiny. Dieu veut changer ta destinée. God loves you. Dieu t'aime. He loves you. Il t'aime. Even in your state. Même dans ton état. He wants to take, he wants to receive you. Il veut te recevoir. He wants to deliver you. Il veut te délivrer. So if you are here, lift up your hands. We want to pray. Donc si tu es ici, lève ta main. Nous allons prier. Lift up your hands. Lève if you ta want main. To pray that prayer tonight. Nous allons faire cette before prière ce before we go soir, home. Avant de partir. Before we go home. Avant de partir. Lift up your hands. Lève ta main. Father, in the name of Jesus. Has somebody lifted their hands? Est-ce que quelqu'un a levé sa main? You want to come forward? You are lifted, come forward. Levé ta main. Si tu as levé ta main, viens devant. Come forward, come forward. Viens come devant. Forward. Father, in the name of Jesus, we want to thank you for tonight. We bless you for your word. Father, pray for everyone here that will be a special grace tonight. As we go home, may that special grace be our portion in the name of Jesus. As we lay on our bed, may we receive a special grace to do well. In the name of Jesus. Father, we bless you. And everyone say amen.